franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Philippe, si je te dis Sainte-Foy-lès-Lyon, tu me dis quoi ? Eh bien, je te dis ville natale d'Alexis Carrel, prix Nobel de médecine à 39 ans, en 1912, et qui a connu un succès international avec son essai « L'homme, c'est inconnu », qui fut une source précieuse, d'ailleurs, dans mes travaux sur la morphopsychologie. Et je rappelle à cette occasion le titre de ton très beau livre, Philippe, « Morphopsychologie, mythe ou réalité ?» aux éditions Amis d'en France. C'est gentil, Margaret, mais tu sais, je me sens tout petit à côté du grand Alexis Carrel, dont d'aucuns l'accusent d'ailleurs d'avoir élaboré des thèses eugénistes, hein, comme si c'était un gros mot, alors que je le rappelle quand même, le mot eugénisme signifie tout simplement « bien-né », en grec ancien. Alors, qui ne souhaite pas que la race humaine soit la meilleure possible, hein ? Je trouve navrant d'ailleurs que par ignorance, on se mette à proscrire certains mots sous prétexte que le politiquement correct a fait glisser leur sens. Voilà, exactement. Mais c'est comme Bamboula qui, au départ, n'est que le tambour joué par l'Africain et, par extension, l'homme qui joue de ce tambour. Alors ça, non. Alors, on peut plus. Mais même noir, on peut plus. Hein. Philippe, il y a quelques semaines, dans le taxi, on traverse un grand boulevard. Ouais. Je dis juste « Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme noir ici ?» Le chauffeur me dit « Ah non, vous pouvez pas dire ça, madame. » Bon, bah d'accord, là on ne peut plus rien dire. Pas noir, bon, bah je dis quoi ? Alors je dis, il y a trop de... Oui, en plus, d'autant que, si je me souviens bien, le chauffeur était lui-même blanc. Mm-hmm. Donc, oui, non, mais remarque, blanc non plus, il ne faut pas dire alors. Ah bah oui, on ne peut pas dire blanc non plus si on ne peut pas dire noir. Il faut être logique. Qu'est-ce qu'on dit ? On ne dit plus rien, je ne sais pas. Alors, quel temps fait-il, Valérie, du côté de Sainte-Foy-lès-Lyon ? Moi, je ne vous appelle pas pour parler de la météo, j'appelle... Bonjour quand même, Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Moi, je vous appelle parce que j'ai un problème avec votre émission, en fait. Ah. Alors, si vous captez mal, à Sainte-Foy, vous pouvez la réécouter en diffusion décalée sur un micro-ordinateur, si vous en avez un chez vous. Vous pouvez post-caster, on dit. Ah oui, c'est vrai. Non. Ah oui, post-caster ? Oui. J'y arrive pas. Oui, podcaster. Oui. Voilà. Bon, bah moi je l'ai fait, croyez-moi, avant d'appeler. Parce que pour être bien sûr que j'avais pas rêvé et que j'avais pas à faire un canular et que j'étais bien sur France Inter. Ah oui, oui, madame, vous êtes bien sur France Inter et nous vous en remercions. Ouais, bah voilà, je suis institutrice. Sommes à votre écoute, Valérie. Oui, bah faut arrêter de me couper la parole parce que je vais pas... Oulala, mais j'avais plutôt l'impression que c'était vous qui nous coupiez la parole. Alors, moi je connaissais pas votre émission et j'ai lu... Pourtant, nous sommes très appréciés, Valérie. Bon, s'il vous plaît. Ouh, dis donc, Philippe, ferme ta boîte à camembert. Et donc... Avec la fermeture éclair. Ça va bien, là, maintenant, je peux parler ? Bon, donc moi, c'est en lisant Télérama que j'ai appris l'existence de votre émission à votre écoute. Et que j'ai commencé à écouter... Enfin, moi, j'en crois pas mes oreilles. Hein. Au début, j'ai même cru que c'était une parodie, que je trouve pas drôle, d'ailleurs, parce que, en fait, malheureusement, non, ce n'est qu'un... Qu'est-ce qui vous a fait croire que c'était une parodie, chère madame ? Parce que c'est inimaginable d'entendre un tel ramassis d'idées nauséabondes sur France Inter. Enfin, moi, franchement, je trouve ça honteux d'insulter des gens qui sont en détresse, qui vous appellent pour des problèmes qui sont parfois très graves, et vous traitez par-dessus la jambe à des troubles physiques ou psychologiques. Mais vous savez, madame, quand je vous entends... Donner des conseils honteux et extrêmement dangereux à des personnes qui sont en grande fragilité... Oui, mais je vous entends, je vous écoute, je me pose des questions. J'étais scandalisée et très en colère, notamment à cause de votre désinvolture face à cette femme qui évoquait un cas de qui était grave, quoi, de violence conjugale. Ouais, on ne peut pas se souvenir de tous les cas, malheureusement, madame. Ah bon ? Non. Alors, je vous sens très dans l'agressivité. Est-ce que vous avez des douleurs au niveau de l'utérus ? De me dire quoi, là ? Non, mais rien, je cherche. Quant à votre discours du Café du Commerce sur le conflit israélo-palestinien, mais c'est juste indigne d'une radio publique. Je comprends même pas que vous soyez encore en place. à se demander quels sont vos appuis et vos soutiens. Ouais, mais chère Valérie, vous ne trouvez pas... S'il vous plaît, arrêtez tout de suite avec votre ton infantilisant. Oui, mais vous ne trouvez pas en ce moment que vous prenez du temps d'antenne à des auditeurs qui ont des vrais problèmes et qui... J'ai un vrai problème. Hein, oui, mais... Vous soyez tous les jours sur la radio que j'écoute depuis 20 ans. Oui, au nom desquels vous prétendez vous exprimer, madame. Ou alors la thyroïde. Vous avez les yeux globuleux ? Je m'en fous de votre morphopsychologie de facho, c'est inacceptable. Moi, je vous dis des propos pareils et je vais saisir la justice. Attendez, madame. On peut répondre quand même, madame, à vos accusations ? Allez-y. Oui. Alors, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est surtout ce que je ressens quand je vous écoute, madame. C'est une colère. Mais cette colère nous est-elle vraiment, totalement adressée ? Ah oui, je suis sûre, oui. Oui, vous êtes sûre de ne pas en être la destinataire ? Oui, sûre et certaine. C'est bien contre vous et contre votre intégrisme réac et puant que je suis en colère. Voilà, alors tiens, ben réac, hein, encore un mot qui est devenu péjoratif. Eh bien, moi, madame, ça me va très bien, réac, figurez-vous. Ah bah oui, ça vous va comme un gant. Eh bien, merci, madame. Notre mission de service public, c'est de régler, vous le savez, les problèmes de corps et les problèmes d'esprit. Bah voyons. Et en tant que médecin, je vous dis que vous avez un problème de régulation de l'humeur dû à une hypertrophie thyroïdienne, madame. Voilà, et moi, en tant que psy, je vous dis juste de vous méfier de votre complexe de persécution dans lequel toute minorité a tendance à s'enfermer. Ah mais non, moi je parle au nom de beaucoup de monde, madame, et je fais partie d'aucune minorité. Bah vous faites quand même partie de celle des hypertrophiées thyroïdiennes qui n'aiment pas notre émission. Bon, en fait, vous êtes juste extrêmement con. Eh ben, c'est pas très gentil. Au revoir, Valérie. Ah là là là là, alors, désolé hein, pour l'éditeur qui n'a pas pu aujourd'hui profiter du petit coup de pouce qu'on essaye de vous donner tous les jours. Voilà, oui, on n'a même plus le temps pour ton proverbe. Voilà. Ben, c'est pas grave. Écoute, tout vient à point. Eh ben, j'en ai fait un quand même. Sans le vouloir. Voilà. Parce qu'en quoi, c'est plus fort que moi. Bon, ben, merci à Yann Chouquet pour sa mise en onde qui a été épargnée aujourd'hui derrière sa vitre. Hein. C'est vrai. Au revoir, Philippe. Au revoir, Margaret. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.